casquette devant ma glace, attendant que je passe. Je leur ai dit, on s'en va. J'ai rendez-vous avec les Whiz Carol. J'ai transformé mon smoking en bubbles. Sous une pluie de rêve, je suis partie. J'ai dit bonbon rose, tu pleures. Délicieuse, tu meurs. Dans mon bus du paradis, j'ai rencontré Charlie Chaplin. Il avait perdu ses temps modèles pour tourner un jour avec Marlène. J'ai transformé mon smoking en Burberry. Sous une pluie de rêve, je suis partie. J'ai dit bonbon rose, tu pleures. Délicieuse, tu meurs. J'ai transformé ma deux chevaux en jaguar. Et ma vieille gauloise en cigale. Bonbon rose, tout ça, c'est fini. Délicieuse, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de cette vie. Oh,